Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap Giorgio, en direct sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle semaine dans Planet Rap entre 20h et 21h. Giorgio, bienvenue. Merci beaucoup. Dans ce Planet Rap, avant la sortie de l'album, c'est dans une... Je pensais que c'était déjà vendredi, mais non. Non. Il va falloir patienter encore un petit peu. Vendredi 16. C'est le 16 octobre, la sortie d'un album absolument incroyable. C'est une histoire incroyable quand même, cet album. Bah ouais, carrément, ouais. C'est une histoire de dingue. Ouais, l'histoire, elle est belle. En fait, l'aventure. Giorgio a plein de producteurs. J'en ai 1800. Il en a 1800, c'est-à-dire que, bon, avant il y avait 1-2 producteurs, mais là 1800 producteurs. Ouais. On va vous expliquer tout ça durant cette semaine entre 20 et 21. On va aussi découvrir donc ce projet. Ça y est, c'est quoi? Ouais. C'est l'album officiel, ça y est? Ouais, premier album, ouais. Après la sortie, il y a eu 2 EP auparavant. Ouais, 2 EP, des projets sur internet. Des projets gratos aussi que t'avais balancé pour faire parler de toi. Des premières parties, beaucoup de premières parties. Ouais, avec Fauve notamment, on a fait pas mal de premières parties. Et puis des scènes aussi à part entière, hein. À fond. T'as pas mal tourné déjà, hein. Ouais. Ouais. Nous, on mise beaucoup sur le live. Beaucoup de live, beaucoup de scènes. On va pouvoir en parler cette semaine entre 20 et 21. Et juste avant, Giorgio, juste avant d'attaquer, de revenir un petit peu sur ton parcours ce soir dans l'émission, on attaque avec le medley de cet album qui sortira donc le 16 octobre, qui est déjà en précommande par contre. Ouais, partout, sur le site de la Fnac pour le physique, etc. Amazon, iTunes. Je te propose qu'on se plonge directement dedans. Allez, direct. Allez, c'est le medley de Giorgio. Écoutez ce qui vous attend le 16 octobre. Bang, bang. Planet Rap. Tout le monde qui saute en concert. Je vois son cas qui fait sauter mes soeurs, qui fait sauter mes frères. Porté par la foule, on se lave, on se casse la bande des héros. Et le lendemain dans le train, je reprends ça chez moi et tout repart à zéro. Je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud. On ira contempler ses rives comme tu regardes tes rives dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père qui avait d'Afrique et puis repart au grand-mère. Je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud. On ira contempler ses rives comme tu regardes tes rives dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père qui vient d'Afrique et puis repart. Planet Rap. Salomé, si tu savais, c'est pas moi qui vais mal. Encore heureux que je rappe, que je pleure des requiem. Ça prouve que je suis vivant, que j'ai foi en la morale. Et dans ma chambre depuis tal, y'a les miens qui crèvent. Oh Salomé, si tu savais, c'est pas moi qui vais mal. Encore heureux que je rappe, que je pleure des requiem. Ça prouve que je suis vivant, que j'ai foi en la morale. Planet Rap. Parce que les gens me disent, on s'entretue, mais pensez moi, j'ai la santé, n'est-ce pas, mais le ventre vide. Plein de manger, mais faut tenir, j'ai pas le choix. Pas le droit de me relâcher, hey. Un seul nuit pleure chaque soir. Des larmes de fatigue sous le péché. Planet Rap. Des cernes sous les yeux. Des signes mes traits de caractère dans des taches de sang. Ma vie, j'y mets le feu. Je suis la nature qui se laisse bercer par le vent. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. On a grandi sans rien. On a perdu nos valeurs, putain de vie de chien. Mentir sur Twitter, dormir jusqu'à 16h. Fini l'époque de la haine, vendre des barrettes c'est de la merde. D'ailleurs on les a vus vendre la poisse, mais pas les regrets qui s'amènent. On vient pas de cette fleur sur le béton. Écrasé par un enfant qui court après la peur comme on court derrière un ballon. Planet Rap. Les émeutes, les problèmes d'identité. Année 93, période d'insécurité. 22 ans plus tard, je m'attends plus marre. Parce que peu de choses ont changé. Pas chez moi, on compte toujours les décès. Planet Rap. C'est plus que de la musique ou des textes. C'est ma vie, mes cauchemars, mes névroses, mes envies. En une couleur, c'est bleu noir. Planet Rap. Ça rappelle à la révolte, cousin. Ça rappelle à la révolte. Ça rappelle à la révolte, cousin. Ça rappelle à la révolte. Dépression. Le cerveau qui va exploser. Dépression. Je suis complètement névrosé. Dépression. La pluie qui tombe sur un ciré jaune. C'est beau, c'est la mélancolie. Ma chambre qui sent le fauve. Je pense à mes problèmes quand tous mes frères sont endormis. Planet Rap. L'alcool ni les drogues masqueront mon ciel noir. Mon sourire bâtard, mon envie du néant. S'étend sur mes jeudis gris qui crient sans espoir. Il n'y a plus de voix que des bruits, plus de moi. Planet Rap. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Giorgio et l'album donc. On a eu un bel extrait, hein. Un beau medley une fois de plus. Un beau medley avec plein de refrains et tout. Donc ça s'appelle Bleu Noir. Ouais. On va pouvoir le découvrir cette semaine entre 20 et 21. Tu vas pouvoir en parler. On va revenir aussi sur ton parcours. Un parcours qui commence un petit peu, j'ai envie de dire, comme tout le monde. C'est quoi? C'est vers la 4e, 3e? Ouais, c'est exactement ça. Tu dis, j'ai envie de rapper, quoi. Enfin, ouais. En tout cas, je vais tenter. Je vais écrire déjà. Ouais, exact. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est les premiers morceaux. J'avais un groupe avec des potes, voilà, Zeusni. Et puis. Donc ça ressemble à quoi à l'époque, Giorgio, de cette époque? C'est plutôt fougueux. Je te ramènerai cette semaine, je te ramènerai un morceau. D'accord, avec grand plaisir. C'est bon, tu n'as pas peur des dossiers, tu sors les dossiers d'entrée de jeu. Moi, je suis prêt, hein, franchement. Parfait, je me disais, nous, peut-être qu'on en mettra un de côté, mais si tu les as, c'est encore mieux. Je vais en retrouver un, je vais t'en mettre un, c'est sûr, cette semaine. Et puis après, en 2011, j'ai fait une petite tape, quoi, qui s'appelait Nuit Blanche pour des idées noires. Puis après en 2012. Donc ça devient quand même. Ouais. Ça commence à devenir sérieux là, non? C'est. Non, ça c'est le tout début, tu vois. Enfin, c'est le début où vraiment je sais que. Donc c'est quoi? C'est juste c'est la passion en fait. C'est la passion. C'est ma passion. C'est la passion. Aujourd'hui encore, c'est ma passion. Hein. Mais ouais. Et puis après en 2012, un EP gratuit sur internet, mon Prisme. Puis après un autre, un premier dans les bacs, Soleil d'hiver. Puis une tape gratuite, Nouveau Souffle. Puis après un deuxième EP, À l'abri, et là le premier album, Bleu Noir. Voilà, alors pour revenir un petit peu aussi rapidement dans tout ça, il y a des gens qui sont autour de toi qui vont te booster. Moi je me souviens, c'est ce que je t'avais dit, le premier à me parler de toi, c'est Nekfeu, hein, de 1995, qui me dit, putain, il y a un petit gars, il défonce tout Giorgio. C'est quoi les connexions à l'époque? Je crois le premier que j'avais rencontré, c'était 2R. Et puis après, bon, on roulait ensemble dans Paris et tout. En plus, on habitait à côté, quoi, parce qu'il est dans le 19 et j'étais dans le 18e. Donc pratique pour rentrer à la maison. Ouais, exact. Quand on est plusieurs. Voilà. Puis après, du coup, c'est ça, dans le rap, on se fait son équipe et tout, on roulait. Voilà quoi. Toi, t'as fait aussi des scènes ouvertes, des micros ouverts, justement, ouais. T'en as fait beaucoup? Ouais, j'en ai fait pas mal avec. C'est un collectif qu'organisait ça qui s'appelait Paris Reality Check. Et c'était dans le 11e, dans des caves de bar, etc. Donc c'était plus. Il n'y avait pas de face à face, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas le côté clash, non? Il y avait. Ouais, non, c'était pas. C'était pas comme aux Ulysses, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais dégaine ton style, je crois. Dégaine ton style. Ouais, c'était pas ça, c'était vraiment open mic, ça balançait des prods, fallait kicker, etc. Ah ouais, franchement, on a poncé ça. Et à quel moment tu dis, bon, il y a peut-être quand même un coup à jouer, c'est vrai qu'il y a la passion d'un côté, mais je peux peut-être essayer aussi d'en vivre un petit peu, ou du moins essayer d'en. C'est quand je fais Soleil d'hiver, parce que c'est le premier projet dans les bacs, du coup, je me dis. Bon bah voilà. Ah ouais, il y a un truc qui devient réel, quoi. Ouais, a... ça devient matériel, faut l'acheter, etc. Mais il n'était pas d'ailleurs sorti totalement physique, je crois que c'était. Il n'y avait pas des vinyles ou c'était pas sorti. Si. On avait fait des vinyles, voilà, des CD aussi, on avait fait les deux, quoi. On avait fait bien les choses. Et puis donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai pris les choses vraiment au sérieux. Bon, on va en parler de la suite dans un instant. Juste avant, peut-être débuter à 20h pile avec un morceau. Qu'est-ce qu'on met pour débuter? Un inédit. Inédit déjà, ouais, d'entrée de jeu. Direct. On va mettre Rêveur. On est bien, hein, ce soir. Ah. Même que tu nous feras du live aussi. Ouais. Donc on est refait. À fond. Allez, on y va. C'est un titre inédit, un morceau qui s'appelle Rêveur. Ouais. Tu veux dire un mot dessus, avec qui tu as bossé sur celui-ci? C'est une prod de mon frangin BBP. C'est un vrai poteau qui a fait 2-3 morceaux sur l'album. Et puis c'est un morceau sur les rêves et le football que j'ai écrit pour mon petit frère Anatole. Et bon, on l'écoute maintenant. Giorgio, l'album sort le 16 octobre. Incarcéré dans des prisons réelles, un tacle avec les deux pieds si nous dessinons nos peines. Se livrer à son petit frère, c'est une décision mortelle. Par les rêves de brûlure d'un petit con qu'on en sorcelle. Ouais, je te jure qu'il me comprend, lui qui veut vivre de sa passion. Il a vu ses potes détruire des projets. Anatole a quitté la maison, créant son propre lycée. A vu ses potes du lycée, créant leur propre hécatombe. Dans les roues des bâtons, je l'ai vu sécher les cours. Je lui ai dit fais pas le con, moral classique, juste pour l'honneur. Et pour la mama, imagine la fierté d'avoir un fils dans les études en même temps grand footballeur. Un jour il me racontera peut-être tous ses problèmes de cœur. Je lui dirai n'écoute pas ta tête sans ta belle sœur je meurs. En vrai t'as pas le choix, ignore pas toutes les raisons. Si facile de faire une croix sur son propre horizon. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, tes paupières inévitables, les rêves sont faits pour être réalisés. C'est pour les rêveurs réveillés dans une routine hors pair, ou comme mon frère qui subissent tous les soucis de leur père. Même si t'as caché plein de choses pour que tu nages jusqu'à l'estuaire, en pensant que t'avais pied, sachant que t'avais peur. Sur le banc de touche pas facile, tu vois le match éternisé. Je sais que t'endors pas, souci du rêveur brisé. Je sais que t'as le mental, que t'es meilleur chaque journée. On changera de club sans galère, la saison terminée. La vie c'est quelques problèmes, pour des milliards de solutions. Beaucoup de courage, un peu de haine, cocktail en ébullition. Et mon frère, oublie pas que chaque effort ça paye. Je le répéterai tant qu'il faudra pour rester fort et sincère. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. C'est pour les rêveurs endormis dans des journées sans fin, qui connaissent le goût de la vie et les règles qu'on enfreint. La nuit porte conseil, règle des dilemmes sans lendemain. Un chant de stade, deux allures de Ricky M sans chagrin. C'est ce que j'imagine quand je vis ta vie dans mes lunes. Je crois pas être dans l'erreur, en tout cas j'évite d'en être une. C'est tellement dur de lire à travers tes écorces, fruit du même amour qui comme beaucoup a fini en divorce. Pour les rêveurs dans le coma sur la civière, qui pleurent des larmes à la sueur de leur carrière. C'est pour mon frère, un contrôle, une passe def. 90 minutes et puis on s'arrête. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. L'album, ça sort le 16 octobre et ce morceau donc Rêveur, le message ouais. du grand frère. Ouais. C'est un petit peu ça. Ouais, le grand frère, mais non, c'est un message pour mon frère tout court. Et donc on sortira le clip demain à 20h. Comme ça, on pourra en parler. Donc, demain, le clip arrive, on pourra en reparler aussi demain à découvrir. C'est vrai qu'il y a aussi le côté image, hein. Il y a les derniers clips qui sont arrivés, les dernières images. C'est important aussi pour toi, ça, Giorgio. Hein. On le voit sur les productions, sur ce que tu sors. Bah, carrément, on essaye de soigner ça au maximum, quoi. Tout comme l'album Bleu Noir. Alors, ça, voilà, l'histoire, je disais, de cet album, c'est incroyable. On va pas le cacher, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons de disques qui voulaient te signer. Ouais, on a rencontré à peu près toutes les maisons de disques et beaucoup de labels. Et pourtant, non. Ouais, bah oui, parce que... Il y a une idée qui est arrivée entre-temps. Ouais, bah, c'était sur la promo de l'EP précédent. À la Brie, j'avais rencontré le fondateur de Kiss Kiss Bang Bang. Mmh. Et il m'avait parlé du projet, etc. Et tout. Et c'est un site de ce qu'on appelle crowdfunding où on met des fonds et on peut aider justement des artistes à se développer sur des albums, sur des films, sur des réalisations, sur plein de choses. Contre des contreparties. Voilà, contre des contreparties. Nous, on avait mis en première contrepartie l'album, puis l'album avec une affiche, un vinyle de remix exclusif, des t-shirts, un t-shirt exclusif, etc. quoi. Et puis les labels, je crois qu'ils captaient pas trop le projet, ils étaient lents et à un moment on a dit fuck. fuck les labels. Ouais, on sort ça tout seul et avec les nôtres, quoi, avec ceux qui soutiennent. Donc, résultat, c'est quoi? Tu pars sur un truc qui est, où t'es assez confiant, tu dis bon, les gens vont investir quand même sur mon album ou tu vas un peu en disant bon, combien je vais avoir en tout, quoi? Un peu des deux, parce qu'on était assez confiants pour demander quand même 35 000 euros. Donc ouais, c'est-à-dire que tu fixes un objectif à atteindre. Et t'as un nombre de jours limité. Là, c'était 45 jours, ça fait un mois et demi. Et donc si au bout de 45 jours, l'objectif n'est pas atteint, tout le monde est remboursé. Et s'il est atteint, le projet est lancé, quoi. Et il a été plus qu'atteint, j'ai envie de dire. Ouais. En tout, c'est 52 000 euros, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et il y a 1800 personnes donc, qui ont participé à cet album. Ouais. Il y avait un ticket d'entrée, il fallait mettre un prix en particulier ou... Non. Je crois que les premières contreparties, c'était à 8 euros, c'était l'album en digital. Mais j'ai vu des mecs mettre 1 euro. Et la plus forte somme, ça a été 1500. Tu sais qui c'est? Non, mais c'est pour un concert privé. On avait mis un concert privé à 1500 euros, avec aucune prétention. C'était presque un peu une blague entre nous et tout. On s'est dit, oh, si jamais il y en a un qui veut mettre 1500, un ambassadeur qui est chaud, un truc comme ça. Et puis finalement, oui. Et du coup, ça s'est fait et tout, non, avec trois personnes d'ailleurs. Donc je crois que. Donc t'as trois déjà concerts privés, ouais, qui sont bookés. Ouais. Ouais, on est en train de le booker. Je crois que c'est pour des anniversaires et tout, avec leurs poteaux et tout, mais ça va être chambé. C'est fou quand même cette histoire. Alors ça peut paraître beaucoup pour des gens 50 000 euros, mais faut se rendre compte aussi que voilà, c'est pas un truc, un enrichissement personnel. Hein. Ouais, c'est la ça. Preuve, c'est que c'est investi vraiment dans l'album, bah, dans les clips. Les clips, l'album, la promo, et puis aussi par exemple les t-shirts exclusifs et les vinyles, fallait les faire quoi. Mmh. Donc oui, c'est pas juste hop, tu te casses avec les 50 000, tu te barres, ouais. et rideau. Ouais, non, c'était pas pour faire le tour du monde. C'était pas pour faire le tour du monde, c'est pour cet album, et c'est vrai qu'un album dans le rap, voilà, c'est aussi, ouais, des sommes qui peuvent paraître énormes, même si par rapport à la variété, c'est rien du tout. Hein, je dis, ouais, ça, mais. Ouais, 50 000 euros en variété, 50 000 euros, une guitare. C'est juste une guitare pour que le mec vienne jouer à la guitare. Des cordes de guitare même. C'est juste ça. Donc là, cet album, il a été fait. Donc, et il y avait une pression particulière ou pas, non? Bah, un petit peu, parce que du coup, comme il y a 1800 personnes qui participent, tu te dis, ah, putain, faut pas les décevoir. Mais à un moment, tu t'y penses plus, parce que si t'y penses, tu fais des morceaux entre guillemets pour eux, alors que c'est pas le but. Enfin, parce que je crois que comme ça, tu peux que te tromper. Où t'as énormément de chances de te tromper. Alors là, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, moi. Si j'avais envie de chanter dans un refrain, je l'ai fait. Si j'avais envie de gueuler dans un autre, je oui, l'ai fait aussi. C'est des producteurs, mais c'est pas des producteurs qui interviennent, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'en, ouais, même temps, 1800, ça serait compliqué. Ouais, ça serait prise de tête. Non, là, faut que tu rajoutes ça. Non, maintenant, tu vas l'enlever. Non, ouais, t'imagines. Non, mais ouais. Donc là, du coup, on a. Ouais, non. Moi, j'ai ma petite équipe en studio. Il y a Flav, il y a Diaby, après il y a 2-3 poteaux. De toute façon, ils sont là soir. Mais tu l'as fait, c'est toi cet album. C'est, voilà, voilà, c'est moi à 100%. C'est toi à 100%. Ouais, c'est mes couilles sur la table, mec. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez mis vos couilles sur la table et vous avez investi sur l'album de Giorgio, dites-nous. Envoyez un petit message avec le hashtag Giorgio sur Skyrock. On va écouter un morceau, Giorgio. Ouais, carrément. Extrait de Bleu Noir. Ouais, alors. C'est Bercé par le vent. Bercé par le vent, ouais, c'est un autre inédit là. On enchaîne là, on est chaud au début de semaine. Mais la semaine commence bien. Et en plus, c'est toujours BBP aussi qui produit ce morceau. Ouais. Bon, on parlera aussi des producteurs dans, ouais, la semaine. Ouais, carrément, ouais. Les gens qui t'ont accompagné sur ce projet qui sort donc le 16 octobre. Et voici le morceau Bercé par le vent. Yeah. En un coup de fil, je peux changer de programme pour la semaine. Quitter le béton sous mes semaines, sans aucune raison, foutre la merde dans ma tête à croire que c'est en moi le paradis ou l'enfer. Monsieur politique roule en Benz, je suis anarchiste et je l'emmerde. Je crache ma rage sous des réverbères. Depuis que j'ai lâché mes repères, que je suis mon propre nord, j'ai peu de remords et les mêmes frères. Je sais pas si on est de la poussière d'étoiles. Quand le ciel te parle, écoute le bien, je crois au destin. Mais je suis pas devin, moi je reste esclave. On se doute de rien, on mène nos vies sans penser qu'ils achètent nos rêves. Y'a plus d'amour dans les familles quand le manque d'argent kidnappe nos ailes. Chacun son combat. Pas le choix, faut trouver pourquoi. On va se lever, serrer des mains à des enculés en restant courtois. Les cernes sous les yeux, mais difficile à capter. Rappelle-toi des promesses qu'on s'était faites, mais qu'on a foirées. Et malgré ça, chaque jour on monte des marches. Et si on s'arrête, on est là, on se remotive et on redémarre. Des cernes sous les yeux, des îles maîtresses de caractère dans des taches de sang. Ma vie, j'y mets le feu. Je suis la nature qui se laisse bercer par le vent. Des cernes sous les yeux, des signes maîtresses de caractère dans des taches de sang. Ma vie, j'y mets le feu, je suis la nature qui se laisse bercer par le vent. Pense à l'été, la plage entre Cannes et Nice, les femmes que mes potes draguent, nos caractères qui s'embellissent. Je préfère rester dur, vu que je suis pur et qu'il y a plein d'envieux. Loin d'être parano, je rattrape mon sommeil dans des trains de banlieue. Tu savais tout ce que je voyais, c'est surprenant. Je connais la tête et les bourgeois et je vis plus vite que souffle le vent. Certes, avec beaucoup de lacunes, je sais que je sais rien. J'idolâtre les gens cultivés et ceux qui cultivent la thune. On fait du mal aux terriens à être si bête. Je veux plus lire tes conneries sur internet. Quand tu parles, ma liberté s'arrête. Dans une autre vie, je ferais sauter les frontières, tels les murs de Fresnes. Peut-être qu'ensuite, on s'aimera pour de vrai. C'est pas facile d'imaginer le monde autre que sous tension. Alors j'écris et j'essaye d'y mettre le fond et la forme. Pourquoi pas apaiser les esprit et le temps d'un album pour mettre en forme tous les gens qui touchent le fond. Des cernes sous les yeux, des îles maîtresses de caractère dans des taches de sang. Ma vie, j'y mets le feu, je suis la nature qui se laisse bercer par le vent. fait des fautes et des coups bas, rien de grave. Et pour jeter l'encre, y'a que les photos d'Encrouman. Je le rappe mes textes au téléphone, puis on s'attrape en bas de l'immeuble. Je jette mes clés par la fenêtre, vieux bâtiment sans interphone, ah ouais. Pas très longtemps que j'habite Pantin. Je roule ma bosse avec coup sans mes sauts sur mon vélo sans frein. Par ma flemme qui peut m'empêcher d'écrire l'album, aurait pu s'appeler Je ou le mépris des autres pour l'amour des miens. Des cernes sous les yeux, dessine mes traits de caractère dans des taches de sang. Ma vie j'y mets le feu, je suis la nature qui cesse versée par le vent. Des cernes sous les yeux, dessine mes traits de caractère dans des taches de sang. Ma vie j'y mets le feu, je suis la nature qui se laisse verser par le vent. Des cernes sous les yeux, l'album en précommande, des maintenant dans des taches de le sang. Noir, ces octobre dans les bacs, voilà pas je suis la nature qui se laisse bercer par le vent. Ça sort le 16 octobre, à pas louper cet album Bleu Noir de Giorgio qui est en précommande, hein. On peut y aller dès maintenant. Ouais. Et d'ailleurs le premier inédit, s'il le précommande maintenant, ils le recevront. Ah vous le recevez? Ouais. Rêveur, hein, le morceau qu'on écoutait tout à l'heure. Là, c'est bercé par le vent. Si vous précommandez maintenant, je crois que même d'ailleurs, parce qu'il y a des box aussi spéciales. Ouais, il y a des box. On peut déjà tout précommander en fait. Ouais, hein. Les box, c'est. Alors, j'en ramènerai un demain. J'espère t'as, bien. T'as l'album Bleu Noir classique de 14 titres. T'as une version deluxe à double CD avec la version de 14 titres et t'as un CD de 6 titres avec 3 prods et 3 autres morceaux. Et la box, c'est la version deluxe et un t-shirt exclusif. Donc tout ça, box. On peut précommander. Ouais, on peut aller sur les sites. Sur Fnac, Amazon, iTunes, tous ces trucs quoi. Et puis ceux qui aiment le digital, allez-y aussi un peu dès maintenant. Bah ouais, à fond. Booster Giorgio, il l'a dit, il a posé le matos sur la table. Exactement, mec. Donc, vraiment, faut me booster. Donc il faut vraiment le booster. Allez-y, Giorgio, avec nous entre 20 et 21 sur Skyrock. Je ne t'ai pas confié le portable, dis donc, Giorgio. Ah, bah vas-y, donne-moi. Alors, ça. Attention, ça c'est le portable qui, depuis le début de saison de Planète Rap, va de main en main, d'artiste en artiste. La semaine dernière, c'est Niska. Putain, j'ai eu du mal à le récupérer vendredi. Mais je l'ai eu. 06 71 74 84 15, c'est le téléphone de Giorgio toute la semaine. Tu vas décrocher absolument quand tu veux. Attends, il y a un appel, je décroche. Ah, tu veux y aller déjà d'entrée de jeu? Allez, 06 71 74 84 15. Allô, bah, fais-nous profiter, mais en haut-parleur. Attends, quand même. Ah ouais, faut mettre le haut-parleur. Ouais, ça va ou quoi? Ça va, toi? Ouais, tranquille. C'est qui? Alors demande-lui qui c'est. C'est qui? C'est Alexis, ça va Alexis ou quoi? Ça va toi? Ouais, tranquille. Tu dis quoi, mec? Voilà. Et qu'est-ce que tu veux dire, Alexis? Bah, rien, je te. T'es un mec bien, je t'apprécie, j'écoute toute ta musique. Ah, merci, ça me fait plaisir. C'est un mec bien, c'est vrai en même temps, on confirme. Ouais, c'est vrai, je suis pas un enfoiré. Est-ce qu'il a. Demande-lui s'il a bien retenu la date de sortie. Est-ce que t'as retenu la date de la sortie de l'album? Je l'avais retenu, mais j'ai oublié. Ah, 16 octobre. Voilà, ça. 16 octobre. Ça, c'est. 16 octobre, bah, j'irai l'écouter alors. Vas-y, ah bah, mec. Il faudra même l'acheter. Juste l'écouter. Si tu peux. Mais sinon, il sera sur Deezer, Spotify et tout, si tu veux juste l'écouter. Pas de soucis. Ok, d'accord. Eh ben, merci à préférer. Bah, ouais. Bah, merci, allez. Bonne soirée à toi. Ouais, aussi, ouais. Merci, voilà, ciao. Genre, je te donne un peu la notice, comment ça fonctionne. C'est genre, voilà, ton prénom, machin, ce que tu fais rapidement. Et surtout, n'oublie pas la date de sortie. C'est la chose la plus importante. Voilà, si vous voulez poser vos questions à Giorgio. Ah non, mais ça va pas arrêter. Hein. 06 71 74 84 15, je lui ai remis le portable. Il a, c'est la ligne directe de Planète Rap pour joindre directement les artistes. Bougez pas, nous, on revient. La roulette va tourner aussi. Inscription par SMS 41 759 avec votre prénom, numéro de téléphone. On mettra un autre titre dans un instant, Giorgio, si je me trompe pas. C'est un morceau, une tuerie celui-ci. Ah ouais, t'as bien aimé. Ah, j'adore ce morceau, j'adore le clip aussi. Juste à ma gauche, il y a l'acteur principal du clip. Il est là. Ouais. Et ben, on pourra en parler dans un instant. Que la famille. Les anges déchus, les gens déçus. Voilà. C'est un morceau qu'on va écouter après la pub. Si vous ne connaissez pas encore ce morceau, restez bien à l'écoute de Skyrock. Giorgio, on découvre le projet Bleu Noir. Ça sort le 16 octobre et on revient après ça. 20h21h, Planète Rap reçoit Giorgio. Skyrock. Vous découvrez Giorgio cette semaine avec son projet qui sort le 16 octobre. Bleu Noir sera dans les bacs. Il est déjà en précommande dès maintenant. Vous pouvez y aller. Il y a aussi une tournée qui va débuter au mois de janvier, non? Ou un petit peu avant, non, Giorgio? Bien avant, ça commence dès octobre. Ah, pff. Dès octobre, je crois que ça commence vendredi 16. Ah oui, donc tu perds pas de temps dès la sortie. Ouais. Quoi. J'avais un concert vendredi dernier, mais j'avais une laryngite. Ah, j'ai vu ça, j'ai dû l'annuler. Ouais, j'ai dû l'annuler. Je suis vraiment désolé. C'était où? C'était à Vitry-sur-Seine. Festival Val-de-Marne. Eh bah désolé à tous les habitants du 9-4 qui attendaient Giorgio. Grave. Mais surtout tu reviendras. Surtout que Vitry, c'est une vraie ville de rap pour moi, tu vois. Mais toi, t'as, c'est parti de ce que t'écoutais. T'as beaucoup écouté les années 90 dans le rap. 90. 2000 90, 2000, à fond. Bon, même aujourd'hui, j'écoute beaucoup de rap, mais 113, Mafia Capri, ça m'a... Ça m'a marqué. Tu te souviens de morceaux en particulier ou pas de... Le projet de Carlito, Compte de sous pression. Ça, avec La Rue Cause, qui était un morceau incroyable. La Rue Cause, de Orly à Orly aussi. Après, il y avait... moi, j'aimais bien... merde, comment il s'appelait? C'était... La Cerise sur le Ghetto, Mafia Kinfry, ça j'ai flingué ça. Kerry James aussi, Ideal J, Le Combat Continue, je crois que c'est mon album numéro 1 de tous les temps. Ah ouais, celui-ci c'est... Ah celui-là. Tu l'écoutes encore régulièrement, c'est un album que t'écoutes? Pas régulièrement, parce que je l'ai trop écouté, mais... Mais tu pourrais le rapper quoi, presque. Ouais, je peux le baquer. tu peux le baquer. Ouais. Tiens, en parlant backer, bonne transition, tu veux saluer celui qui est à tes côtés Mon pote 100K. 100K. C'est un. Et l'agitation pour 100K. Bah oui. Non, ouais, c'est. Donc, c'est 100K, c'est un pote avant tout, non c'est... Ouais, c'est un ami d'enfance, on se connaît depuis la 6ème. 100K, ça va être l'ami des dossiers, c'est bien, 100K, c'est bien. Ah ouais, j'en ai des tonnes en plus, si tu veux là. On fera une soirée dossier dans la semaine. C'est un ex gros, donc c'est moi qui ai le plus gros dossier. Non. Sans jeu de mots. Mais ça commence comme ça, on va rire. Il a mis un zéro pour l'instant. Ok, on revient demain. Demain, prends ton temps, 100K. Prends le temps de bien réfléchir, de bien réfléchir à celui qui doit sortir en priorité. Regarde ses mains, il dit on revient demain. C'est à quel point pour te montrer la drogue, ça te ralentit, tu vois. Moi, je t'aurais sorti une vanne à 26, mec. On met 1,5 à zéro. 1,5 à zéro. Demain, prends ton temps. Moi, je suis pour 100K. Il va prendre son temps. En plus, c'est filmé, on peut passer des photos, tout ça, on va arriver. Oui, très bien. Bonne idée. Ah, bah, parfait. 100K, je crois que j'ai un nouveau pote, c'est parfait. 100K, donc ouais, voilà, qui est sur toi, qui est sur scène avec toi. J'allais dire surtout avec scène. Non, qui est sur scène avec moi et qui est aussi sur l'album. Et qui est sur l'album. Le morceau 6 avril 93. Bon, on fera une version live dans la semaine où de toute façon on le mettra quoi qu'il arrive. Et puis on en parlera et puis il y aura une soirée spéciale consacrée à 100K, tu m'en veux pas. Exactement. Prépare-la bien. Oh, quand t'es prêt, tu me dis. On a toute la semaine. Soyons pas prêts. Il va arriver avec un classeur, tu sais, le truc qui fait bien peur. Un truc quand même. Un bouquin d'huissier, tu sais. Giorgio avec nous entre 20 et 21 sur Skyrock. Il y aura donc du live aussi dans quelques minutes. Et juste avant, on avait promis donc un morceau. Et il fallait quand même nous présenter celui qui sera futur César, voire Oscar. Ah, espérons. C'est tout ce que je me souhaite. Mais c'est les anges déchus, les gens déchus. Ouais, voilà. Bah, c'est un morceau sur une prod de Diaby, qui est aussi un de mes deux DJ de scène, qui est là aussi, avec Rooster, l'autre DJ. Et puis, c'est un morceau fleuve, pas de refrain, qui raconte une routine étouffante sur une prod classique, quoi, un peu, mais très actuelle. Et allez mettre le clip, hein, c'est ce que je vous disais vraiment. Ouais, le clip, qui est réalisé par Hannibal, 420 Workshop. Et d'ailleurs, on en prépare un autre là ensemble. Et franchement, ils ont super bien taffé. Je suis super fier du rendu final. Les anges déchus, les gens déchus, on l'écoute maintenant. C'est Giorgio, c'est sur son album qui sort le 16 octobre. Chaque coin de rue ça pue l'amertume, ça vend la verdure. Crois pas que l'amour a perduré, on pense qu'à faire du blé avec la tête dure. On a tous fait nos preuves dans des quartiers sombres, on y passe les 4 saisons. Ils ont fait des conneries, on a goumé nos refs. Faut pas que petit frère fume et boive, rêve de salope, insulte les femmes. En 2-3 fréquentations, deviennent le pire ennemi de l'État. Combien on gérait des fours, là juste tu la vois. Quand tes bâtiments t'ont joué des tours, je sais que la galère ça pousse au vice. Qu'on sera plus intelligent entre les cours et la rue, on est de vrais couteaux suisses. J'ai trop entendu ces paroles dans des halls avec les vides pétées. Mande à ses selles, craquer, je me répète comme un disque crayé. Traîner avec les mêmes gars, parler de tout, de rien reporter. Les objectifs de la veille, dire qu'on gérera tout demain. Serrer les mêmes mains, croiser les mêmes regards, des refrains qui descendent. Avec une barrette de 10 ou une canette de cheese. Des packs de pierre après la salle de sport, des grecs à emporter. Putain de quartier à tête de mort, y'a le poteau qu'on voit plus trop. Sur son dos y'a des rumeurs.

On fera un truc spécial donc live. C'est quoi des tout et n'importe quoi. Ouais, tout et n'importe quoi. Il faut quoi. Combien de mots à peu près? Je sais pas, on en prend une 10-15 quoi. 10-15 sur, ouais. Sur les 3-4 jours qui arrivent là. Ouais, voilà. Ceux qui reviennent le plus, ou on prendra au hasard, je sais pas trop. On verra. Donc balancez juste un mot, comme ça, avec le hashtag Giorgio sur Skyrock, et peut-être que votre mot sera repris jeudi en freestyle par Giorgio. Tous les soirs, vous le balancez, le ouais. Hashtag Giorgio sur Skyrock. Allez-y, on va voir un petit peu déjà ce qui commence à arriver. N'hésitez pas à vous triturer les trucs, des morceaux compliqués à incruster. Ouais. Les... ouais. Allez-y, vous nous balancez ça avec le hashtag Giorgio sur Skyrock. Et là, je te présente Doc Black de. Aramon, c'est ça dans le 02? Ouais, ouais, tout à fait, ça va quoi? Ça va bien, Doc Black? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Giorgio, qui est là, notre invité toute la semaine. Yeah. Doc Black, toi, quoi, Giorgio? Ça va et toi, gros? Ouais, ça va, calme. Si, c'est lourd ce que tu fais. Ah, merci, mec, ça me fait plaisir. Ouais. Et bon, on va t'écouter toi rapper maintenant, c'est l'heure du freestyle par téléphone, c'est parti, coup d'envoi. Ok, ok. Ah. D'ailleurs, c'est Black, ya. Yeah. Ça fait. Ok, c'est Doc, oui c'est moi le mec qui excelle dans le maniement du mic, des lines, j'en ai gratté des kilomètres. Et certaines sont plutôt pas mal, y'a trop de gens qui voulaient me la mettre. Techniquement gros je les mène à mal, allez leur dire qu'ici c'est moi le maître. Et que j'ai percé comme un manamai, mais le rap pour toi c'est dead l'amigo. Mettons ta carrière de tes côtés, un peu comme Valérie D'Amido. Tu n'es là que pour faire la déco, ça m'importe peu si t'es pas content. Moi côté peu rage, je suis pas mal confiant, un débit de flow qui est pas mal constant. Mais t'inquiète bientôt, je serai du rap conscient, hein. Fredo fais pas un malaise, je viens de commencer et tu trouves ça balèze. Et puis rap après moi tu seras mal à l'aise. Mais faut quand même pas jeter la falaise. Hein, tu sais les langues sont mauvaises. Ne te fie pas aux vulgaires hypothèses. Car si tu n'es pas visé quand j'imposais ma tête, je doute fort que le son te déplaise. Mais t'es mal tombé si t'aimes pas l'ego. J'aborde rarement les t'aimes pas l'ego. Du rap 50% par l'ego. Désolé mais je calcule pas l'ego. Mais je m'en tape aussi du bénéf. Tout ce que je veux c'est faire du bénéf. De trois là t'es le maître, il est def. Flow chimique, même DDF. Ok, j'ai éliminé mes namales, les mégas dans mon mic. Madame elle élimine au maniement dans ma démo. La mine, laminée, nomine, dominé dans mon domaine. Tu peux débiter ce que je veux, trappe mon nouvel au mic. Quoi? Trappe mon nouvel au mic. Quoi? Trappe mon nouvel au mic. Quoi? Trappe mon nouvel au mic, poto. Ok, toi t'as pas de style, pas de fric, pas de clic, pas de skin, pas de skill. Et tu pars mal de Doc Black. Pas de style, pas de fric, pas de clic, pas de skin, pas de skill. Et tu pars mal de Doc Black. Pas de style, pas de fric, pas de clic, pas de skin, pas de skill. Et tu pars mal de Doc Black. T'as pas de style, pas de fric, pas de clic, pas de skin, pas de skill. Et tu pars mal de Doc Black. Eh. Fort, hein, Doc Black. Toute sorte d'accélération, tout ça. Ah ouais, c'est futur. Mec, il est très loin, très très loin, Doc Black. On peut te retrouver sur le net, tu veux balancer 2-3 infos concernant. Ouais, vas-y, on t'écoute. Si... allez sur YouTube, vous tapez DOC Black, il y a plein de clips, vous allez directement tomber sur moi. Et puis un jour, Fred, je serai assis en face de toi, t'inquiète pas. Dépêche-toi, hein. Ah, t'inquiète. Dépêche-toi, hein, moi, Giorgio, bientôt c'est la fin hein, pour moi. Hein. Bah, je t'attends, mon pote, tiens, je suis obligé de rester. Yes, yes. À bientôt, Doc Black. Ciao, passe merci, une bonne merci. Soirée. Et force. Le Planète Rap entre 20 et 21 avec Giorgio. Tiens, j'ai vu des mots arriver. J'ai vu du Poutine, j'ai vu du sanglier. Oh. Ah, sanglier, je sais pas pourquoi. Je sais pas sanglier. Pourquoi. Il y a des gens ah, qui. Il est chaud. Non. Franchement, on va faire une belle impro. Envoyez-vous comment ça mots, noter. J'ai vu carotte aussi. On nous propose carotte. Souvent carotte. Ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Allez-y, un mot au hashtag. Et le hashtag c'est Giorgio sur Skyrock. Et jeudi, votre mot sera peut-être repris par Giorgio pour un freestyle inédit. Ouais. En parlant de freestyle de live, est-ce que tu es prêt maintenant, Giorgio? Bah ouais, là il y a plein de rappeurs. 100K, est-ce que tu es prêt aussi? Mais ce soir, je voulais faire ça tout seul pour montrer. Et tu as raison. Dans le vent, tu vois, j'ai faim, frère. Et ben on sait que t'as faim, c'est parti. Mais parmi toute la semaine, il y aura plein d'invités et tout, ça va être mortel. Session live dans Planète Rap, Giorgio. Yeah. J'avais écrit un petit inédit. Tranquillou. Rupture avec toute vie sociale. T'as des soucis dans le crâne. Beaucoup trop d'appels en absence. Et tu te fais tout petit en bave. Des cristaux envoyés dans le corps par parachute. Dépassé par l'actu, la drogue te catapulte. T'as pas le sommeil, c'est pire que la garde à vue. Je connais ces sombres ambiances. Les soirées bien sanglantes, les sales coups. Mort dans le canapé, la drogue n'est pas douce. Ça l'histoire, la défonce et les problèmes de cœur. Matin d'été, trop insolent. Dans ta tête, t'as le soleil qui meurt. Et chaque jour, faire l'acteur. Dire bonjour à ces acteurs. Faut faire entrer la maille, mais t'as peur de passer à l'acte. Marre de tirer sur ses joints. Faudrait tirer sur ces gens. Dès le matin, t'es pas bien. Dans le métro, t'es si méfiant. Tu repenses à ta nuit et toutes tes bouffées de chaleur. Tu t'es endormi, mais c'était déjà l'heure d'aller taffer. La drogue t'a embrassé. Pris dans ton addiction, ta daronne est spectatrice. Puis ta daronne t'a enlacé. Beaucoup trop ont testé, mais je t'empêcherai de faire pareil. Car tomber dans la drogue est la pire des mères. D'ailleurs, j'ai écrit l'album complètement sobre. Tu vas tellement plus vite et y'a comme ça que l'on s'en sort. Et beaucoup trop ont testé, mais je t'empêcherai de faire pareil. Car tomber dans la drogue est la pire des mères. D'ailleurs j'ai écrit l'album complètement sobre. Tu vas tellement plus vite et y'a comme ça que l'on s'en sort. La tristesse c'est le moteur de mon écriture. J'ai un pour l'attitude, tu qu'un élève non assidu. En quatrième ça sentait déjà la vie brûle. L'espoir je lui crache à la figure. J'ai vu trop de mecs prendre des claques, finir dans le crack ou dans les piqûres. Ça commence avec des amours foirés, des cigarettes au collège, des sales notes et des parents brisés dans le même cocktail. Y'a quoi devenir paro, le petit t'allume sur les tarots. A repris le terrain du cadet, qu'a pas le sommeil derrière les barreaux. Tu cherches l'aîné, à la chapelle il se fait des garrots. Ils l'ont tous abandonné, toute la famille est proche du chaos. J'ai trop d'exemples que chaque jour la vie malmène. Pas besoin des rues d'Harlem pour chercher la mélancolie et les yeux remplis d'haine. Quand les larmes sont sèches, que les voix ne font plus de bruit. Comme on se rattache et au faux qu'il faut profiter, qu'on n'a qu'une vie. On en oublie les rêves, les avantages et les victoires. Minus raccourcissent et les autres deviennent dérisoires. Car beaucoup trop ont testé et je t'empêcherai de faire pareil. Car tomber dans la drogue est la pire des mères. D'ailleurs j'ai écrit l'album complètement sobre. Tu vas tellement plus vite et y'a comme ça que l'on s'en sort. Et beaucoup trop ont testé, mais je t'empêcherai de faire pareil. Car tomber dans la drogue est la pire des mères. D'ailleurs j'ai écrit l'album complètement sobre. Tu vas tellement plus vite et y'a comme ça que l'on s'en sort. Si tu vas droit dans le mur, que la routine te torture, la drogue dure te tuera. C'est comme ça que tu te vois comme une ordure ou bien comme de l'or pur. La drogue dure te tuera. C'est comme ça, autour de toi que des impostures qui rendent la vie dure. Tu veux test, mais la drogue dure te tuera. C'est comme ça, dans le cerveau des griffures, la fumée de la verdure. Tu veux plus, mais la drogue dure te tuera. C'est comme ça. C'est comme ça. Yeah, yeah, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux changer mon rooster. Ah ouais, ouais. Pour mon ref Mamoutou Amo. Ah, tu connais enfoiré. Hey. En un coup de fil, je peux changer de programme pour la semaine. Quitter le béton sous mes semelles sans aucune raison. Foutre la merde dans ma tête à croire que c'est en moi le paradis ou l'enfer. Monsieur politique roule en Benz, je suis anarchiste et j'emmerde. Je crache ma rage sous des réverbères. Depuis que j'ai lâché mes repères, que je suis mon propre nord, j'ai peu de remords et les mêmes frères. Je sais pas si on est de la poussière d'étoiles. Quand le ciel te parle, écoute le bien, je crois au destin. Mais je suis pas devin, moi je reste esclave. On se doute de rien, on mène nos vies sans penser qu'ils achètent nos rêves. Y'a plus d'amour dans les familles, comme manque d'argent kidnappe nos rêves. Chacun son combat, pas le choix, faut trouver pourquoi. On va se lever, serrer des mains à des enculés. En restant courtois, des cernes sous les yeux, mais difficile à capter. Rappelle-toi des promesses qu'on s'était faites et qu'on a foirées. Et malgré ça, chaque jour on monte des marches. Et si on s'arrête, on est là, on se remotive et hors démarre. On a tous connu les larmes, les frérots, la traîtrise, des drames, un tournevis dans le Sergio Tacchini. De la tisse de merde, et c'est parti pour les prises de tête. Histoire de meuf ou cheat, vu qu'à ça pour nous faire croire à la vie de rêve. Ce qui me passionne, c'est pas Disney, moi, c'est observer la ville des toits avec mes renégats. Quand Paris se nettoie, alors ça rime très tard. Quand les premiers métros se tirent, ça tisse des fonds de canette. S'il y a pas de mes codes spliff, une semaine que j'ai pas vu mon lit. Je préfère les trains qu'on frotte, moi et les contrôleurs. On part pas les singes au faux. Et tes rappeurs ont des faux airs de l'âge. Comment leur dire qu'en 90 ils rentraient pas dans les concerts de rap. Alors ça casse ma caille. Tu t'es fait boucave, non mais les photos. C'est des nains comme des photos via Instagram. Et pas les couilles, je bégaye. Mais tu sais comment ça se passe. Je suis pareil, je m'appelle pas Sergei. Au mic, on lâche les douilles. On part en impro dans le studio. C'est Giorgio Jagger, tu sais. En impro, je suis pas le meilleur. Mais nique sa mère, tu sais comment ça se passe. Parfois je dis de la merde et parfois je tisse de la bière. Ouais, on est hal, je suis avec mes sauces. Tu sais comment ça se passe, on crache que des bastos. Tu peux changer cette putain de prod, homme de l'ombre. Tu sais comment ça se passe, ouais, le mic, bah je viens le grailler. Et poteau, t'inquiète pas, on s'arrête pas. Tu connais la rime, je la sors souvent. Je fume la prod un peu comme des Red Bar. Mais la fumette, c'est pas pour moi. Je dédicace Pantin, je dédicace même Max Dormois. Je dédicace toute la France, c'est pour les provinces oubliées. On voit et tu sais comment ça se passe, ouais, on vient tout piller. Donc, nous lâche pas le micro, c'est un nom, on vient le brûler. La rime étant et plus la merde va te faire enculer. Rien que tu sais critiquer, ouais tu sais que c'est facile. Mais viens me tester ton mic, j'ai la langue aiguisée. Ah, bon, bon, bleu noir. Viens me tester ton mic, ouais je suis aiguisé. Tu sais comment ça se passe, ok. Tu veux pas changer, alors on est reparti. L'insécurité, je pourrais t'en faire des albums. Même sans parler de flics, regarde-toi. Après 3-4 verres d'alcool, de base on paraît clean. On peut se faire peur quand on déprime. Quand le courage devient des nuages de fumée, que t'es rattrapé par la résine. Les addictions, c'est l'enfer quand tu glisses. Foncer au sang du gris, rentrer tard le soir, croiser les crackers, les enfants du blisse. Les keufs jouent les cowboys, je les entends qui kiffent. Faire des fouilles musclées, c'est des ouf, tu sais. Je suis peut-être pas né né sous la bonne étoile. Mais j'ai des principes, je serai pas tout pour du blé. Je t'avoue que je suis pour l'union, l'entraîne, mais laisse béton. C'est la merde quand tu te manges des coups de presse dans un Jackson. Viens fait, beaucoup trop de frères qui manquent d'affection. Dans ce monde on est insectes, on perd son dernier quand les têtes tombent. Seul chez moi je suis à l'ancienne, j'écoute quitter la section. Aucune sécurité quand je quitte la maison. Ça fait que j'ai des putains d'inédits. Technique un petit peu comme Zinedine Zidane. Tu sais qu'on est au calme. Ma vie un texte avec ses milliers de ratures. Une trottoir sans une tempu. J'ai une morale et j'ai de l'actu. Je fais du bourrap sans vendre mon cul. Face à ceux qui peuvent en dire autant, je prends du au vent. La pochette de mon album, j'ai mis les deux pieds dans le game. Je repars en le cambriolant. Avec l'amour des miens, c'est essentiel. Toujours en indépendant, j'ai vu mourir mes démons dans le ciel. Des cercueils sur des nuages. 16 octobre, gravé dans le cœur comme un tatouage. Impossible de voir l'avenir, c'est dans la merde, les yeux fermés, on nage le crawl. Eh gros, je fais pas rêver les jeunes du hall, je pense à tous nos défunts, aux petites sœurs et leurs dessins. Comment leur dire que tout n'est pas si rose que nos mamans s'inquiètent. Le travail ça paye, mais le travail ça tue. Je préfère les années lycées à méditer, posé sur la petite ceinture. J'ai eu quelques profs du tonnerre, mais je les ai jamais écoutés. Dégoûté de la vie, je faisais l'école buissonnière, c'est la fin. Donner des rêves d'adultes à mes airs d'enfant. Mais comment être un homme, on se perd à faire semblant. Je comprends mon père et je fais que le ressembler. J'emmerde ta jeunesse dorée, je suis celle qui a plus de repères. Défoncé, dépressif, névrosé. Je compte mon bénéfice avec des potes fauchés. Écorché, j'ai plus du NSI jusqu'à plus savoir compter. Je connais pas l'histoire, non, je me dois de l'inventer. J'écris mon destin prêt pour le festin des dieux. J'avais dit un album et merde, peut-être que j'en ferai deux. Je me dois guérir tous ces problèmes qui m'handicapent. La vue, une feuille blanche, chaque pensée noire fait du remplissage. Et je suis trop loin à tester la mort. Mon frère, c'est hardcore, tous les plans que j'ai là-bas. Pour quitter le navire sans me noyer dans l'alcool. Addict à mon smartphone, je réponds peu à ma daronne. Et je le regretterai. Le jour où elle va perdre la vie, les nerfs à vif. On calme ma jeunesse à base d'extasy. On voulait le haut de l'affiche, on finira plus bactère. Goûte la zèbre et roule en perse, en guise de thérapie. Mâche que bon, le sang par le sang aussi développé. Ah, quand je crache le feu, ça sent l'essence enfoirée. En soi, il cherche pas l'amour ni l'amitié, tu me diras. J'ai trop de culpabilité pour habiter une villa. Je suis un doigt, te foutre une balle dans le crâne. Le doigt sur la gâchette, non, ne m'attends pas. Je reste chez moi. Je reste chez moi. Je suis le martyr comme je suis l'attentat. J'ai le cœur dopé grâce à une femme et rongé par mes doutes et les coups de blues. J'ai souvent peur de l'œuf du diable. Est-ce que ça sent que je vais mal? Que mes déprimes s'éternisent. Ma blanquette, j'ai mal. Je veux pas m'envoler, j'ai le vertige. Je reste avec un spirit au pico sans kayakim. J'ai pas mangé de la journée. Un verre de tropico, un grec et j'arrive. On va refaire le monde en attendant de refaire les nôtres. Je suis différent, je le sais et puis j'en perds les mots. Pensez pour les mômes qui connaissent pas la crise, je les envie. Je vois les banques américaines comme le paradis. Comme des larmes sur ton visage, la pluie sur les carreaux. Frappe à la vitesse des nuages et cache des sourires idiots. On attend qu'elles s'enfuient, souvent pour autre pays. Qu'elles courent d'autres pays, détruisent d'autres nids. Moi je veux tes mots, je veux tes rimes, tes synonymes. Je connais déjà la pluie, elle est pas si terrible. Ah, tu peux dompter la bête, c'est plus facile de dresser le maître. Même drogué au point de plus contrôler tes faits et gestes. Je fais ce que je dois faire et je vais pas en décompte. L'or est au succès et ton dresserait la pendaison. Peur de peu de gens, de peu de choses. Les vrais savent que je m'exclame pour dire ma vérité. Tes rappeurs ne sont des esclaves. Des mecs enchaînent des airballs. Tout sens qu'on en pour Steph Curry. Sachez que c'est pas en écrivant qu'on fait des vraies tueries. Ça fait Giorgio, ça fait Giorgio, ça fait Giorgio, ça fait Giorgio. Le noir dans les bacs, 16 octobre. Ouais, ouais, c'est pour la famille. Mamoutou Amo, Akir en Angleterre. Akir. On dit quoi, c'est pour la MIF, c'est pour un Anatole à Toulouse, hein. Eh, c'est pour les rêveurs endormis dans des journées sans fin, hein. Qui connaissent le goût de la vie et les règles qu'on enfreint, hein. La nuit porte conseil, règle des dilemmes sans lendemain, hein. Un chant de star, deux allures de Ricky M sans chagrin. C'est ce que j'imagine quand je vis ta vie dans mes lunes, hein. Je crois pas être dans l'erreur, en tout cas j'évite d'en être une, hein. C'est tellement dur de lire à travers tes écorces, pris du même amour qui comme beaucoup a fini en divorce. C'est pour les rêveurs incarcérés dans des prisons réelles. Un tacle avec les deux pieds si nous dessinons nos peines. Se livrer à son petit frère, c'est une décision mortelle. Parler de rêve de brûleur, d'un petit con qu'on en sorcelle. Ouais, je te jure qu'il me comprend, lui qui veut vivre de sa passion. Il a vu ses potes détruire des projets. Anatole a quitté la maison, créant son propre odyssée. A vu ses potes du lycée, créant leur propre hécatombe. Dans les roues des bâtons, je l'ai vu sécher les courants. Je lui ai dit, fais balcon, moral classique. Juste pour l'honneur et pour la maman. Imagine la fierté d'avoir un fils dans les études en même temps grand footballeur. Un jour il me racontera peut-être tous ses problèmes de cœur. Je lui dirai, n'écoute pas ta tête, sans ta belle sœur je meurs. En vrai t'as pas le choix, ignore pas toutes les raisons. Si facile de faire une croix sur son propre horizon. En vrai t'as pas le choix, ignore pas toutes les raisons. Si facile de faire une croix sur son propre horizon. Si facile de faire une croix sur son propre horizon. une route en destin, une envie en chemin, un rêve en voyage, un regard vers le large. J'attends si peu des autres, j'ai déjà déçu les miens. J'attends beaucoup de l'amour, mais beaucoup restent en chien. J'en ai trop vu se planter, faire des croix sur le futur et accepter qu'on peut rien faire pour les sauver, c'est le plus dur. Réaction égoïste, ma tête me terrorise, quitte à partir. Faites-moi mourir de rire, et rien de pire que la honte qui te hante. Quand tu entends un rire comme un couteau qu'on te plante, tu repenses à avant, avant, l'écoute pas dans le ventre. Car aujourd'hui c'est pas rien de respirer, mon air sans les regrets. Le beau temps, les envies, ils m'ont tous esquivé. Et j'aimerais prier la vie d'un jour sans punir, ou pourquoi pas dire au revoir et m'enfuir, ou la revoir et puis m'enfuir. Hein, l'instru de Kerry James, tu sais qu'il y a deux issues. Et si tu veux me tester ton mic, je te fais un troisième trou du cul. Je t'en fais même un deuxième, on s'en bat les yeux. Tu sais, demande à 100K, on peut te mettre des balayettes. Pourtant, on n'est pas les plus thugs et on veut, va pas le revendiquer. Bref, là, il m'en est, ouais, je viens et je vois, je fais que bégayer. Mais c'est pas grave, je veux pas le même chelou, car c'est pas compliqué. T'inquiète pas, poto, on est reparti. J'ai freestylé partout, un max d'eau dans les parkings. Tu peux me croiser à EcoBox, ouais, et si tu veux du bon rap, pars à la Fnac et va acheter ma box. Y'a un CD de luxe plus un t-shirt, c'est pas un truc de pute, non, c'est plutôt stylé. Bref, la rime est un peu compliquée, t'inquiète, on est reparti, ouais, on ne fait qu'enchaîner. Hein, en impro, je m'arrête pas, je continue, tu sais. Y'a que quand je suis foncé, dès que je trébuche, ouais, ouais. Sinon, je peux me relever, même quand j'ai pas de rime. Parce que quand je prends le mic, je suis criminel comme Jacques Mesrine ou Mérine. Peu importe comment quand tu le dis, tu sais comment ça se passe. Fuck, les mecs ont dû se vider. Les filles, bah, c'est pareil, j'en veux pas, tu peux me croiser à Max Dormant au bord de la chapelle. Bref, on est hal, on envoie des sales rimes. Tu sais comment ça se passe, tu sais qu'on black up. Je te l'ai déjà dit, on est violent comme Jacques Mesrine. Ouais, je connais le rap et je vais en faire son braquage. Ah ah ah, on s'arrête pas. Ah ah ah, on s'arrête pas. T'inquiète pas, il me faut des couplets dans ma tête. Putain de mode type quand je paiera, ouais. Tu sais que je suis maudit, mais ouais, je suis maudit, mais bon, je continue. Giorgio, bleu noir dans les bacs. Attends, attends, je réfléchis. Puis je vais te lâcher un putain de couplet. J'arrive les couilles sur la table, j'arrive pas les couilles pleines. Non, je fais que les vider sur des prods de gros calibre. Tu sais comment ça se passe, c'est pour la mif. Donc dédicace à Yanis. Ah, quand je paiera, c'est pour les miens. Bref, tu sais comment ça se passe. Tu veux télécharger mon album, je te donne le lien, y'a pas de souci. Mais bon, faut plutôt l'acheter. Tu sais comment ça se passe, que je déroule sous X. Attends, attends, laisse-moi réfléchir à un couplet. Bref, on est reparti, y'en a plein dans ma tête. Ouais, j'ai peut-être une idée, c'est peut-être écrit. Ok, tu sais comment ça se passe, moi je suis plein de ce vie. Hein, hein, non, je déconne, tu sais comment ça se passe. Enfin, sur mon Facebook, sur mon Twitter, et là je décomme. Hein, enfoiré, hein, enfoiré, va. Eh, eh. Je veux pas passer à côté de ma vie, je préfère canner dans le feu de l'action. Je me suis fait seul, grâce à quelques relations. On sait que la trahison existe avec les autres, t'es pas libre. Menotté au principe, c'est le cœur qui panique. Ma scolarité ferme les paupières, beaucoup de poteaux dans la colère. Le silence enveloppe le cortège. L'insécurité règne dans l'atmosphère. On cherche à quoi s'accrocher, pleure des larmes salées comme l'eau de mer. Et puisqu'on est sûr de rien, même pas de nous, comprends qu'on fait le tour du monde à pas de loup. Sortir de mon lit me demande des efforts inconsidérables. Le quartier méprise les lois et le soir la police dérape. Moi je veux pas accepter des trains ni rester allongé. Ça me fout la haine, je pense au mien, je pense à Makové. 6 avril 93, commissariat des grandes carrières, Paris 18ème. Tu sais quoi, les émeutes, les problèmes d'identité. Année 93, période d'insécurité. 22 ans plus tard, je crois que mon plus marre parce que peu de choses ont changé. Pas chez moi, on compte toujours les décès. Oh, oh, les émeutes, les problèmes d'identité. Quoi? Année 93, période d'insécurité. Ah, 22 ans plus tard, je crois que mon plus marre parce que peu de choses ont changé. Pas chez moi, on compte toujours les décès. On compte toujours les décès. On compte toujours les décès. On compte toujours les décès. On compte toujours les décès. On arrête là pour ce soir. Les gars, on est reparti. Giorgio, bravo, là, je pense qu'on peut faire du bruit pour Giorgio à l'instant. Quelle démonstration pour ce début de semaine. Bravo Sanka qui était là en renfort aussi. Ouais, toujours Sanka. Merci à vous tous en tout cas. C'est... bras droit, bras gauche, ma béquille, mon plâtre. Doucement. Il fait signe doucement, doucement Sanka. Bon, merci en tout cas, live terrible. Hein. J'ai vu les messages arriver. Bravo Giorgio avec le hashtag Giorgio sur Skyrock. Avant de se retrouver demain et de parler du programme de demain, on va aussi rappeler que t'es en concert donc à partir du mois d'octobre. Et il y a une cigale à ouais, Paris. Hein, une cigale 22 janvier. Le 22 janvier. Les places sont dispo dès maintenant. Ça part tranquillement, bien. Tranquillement, et tout, bien. Donc dépêchez-vous. Allez-y, voilà. Allez-y. C'est le 22 janvier 2016. Et là, on fait tourner la roulette avant de se quitter. C'est parti. Allez. Ça s'en prononce. Skyrock t'offre le Cosmo Tour près de chez toi. Attrape-moi dans la roulette, la famille. Avec Samantha Tourcoing. Ça va bien, Samantha? Oui, bonsoir. Ça en va, pleine forme. Tu écoutais Giorgio rapper à l'instant? Oui, certainement. Ah oui. Ah oui, ah oui, oui. Samantha veut qu'un seul truc, c'est faire tourner la roulette, j'ai compris. Ah. Donc dis-nous stop. Ah oui, je suis impatiente. Dès que tu veux, c'est parti, la roulette tourne. Stop. Et la roulette va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Eh ben voilà, tournée de soprano qui s'arrête près de chez toi, du côté de Douai. Il y a deux places qui t'attendent, Samantha. Génial. Mortel. Je te fais un bisou, passe une bonne soirée. Loupe pas le 16 octobre, la sortie. Merci, à toi aussi. De l'album de Giorgio, Bleu Noir. Merci, Giorgio, pour cette soirée. Ah, merci beaucoup, ouais. T'es prêt, tu reviens demain? Ouais, demain, et puis on va ramener des invités. Ça va kicker et tout, ça va être mortel toute la semaine. En tout cas, c'était déjà une très belle soirée, un très bon début pour ce Planète cool. Rap. Bah, je suis content, ça me fait super plaisir. Merci à vous tous. L'album sort le 16 octobre, donc il est carrément en exclu à découvrir tous les soirs. Et puis des freestyles comme ce soir, on s'est régalé. Hein. Yes. Difo, tu es là avec toute l'équipe. Il n'y a jamais un invité qui t'a fait bon, ce soir, tu reviens demain. Ah bah non. Ouais. J'ai pas encore eu, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Salut Giorgio. Salut Fredo. Et là, c'est parti pour la Radio Libre. Bah oui, ça y est, première Radio Libre de la semaine, vous pouvez exact. Nous appeler après le freestyle. Bonjour, nous dit Vince. Eh bien, le freestyle. Tu veux ajouter quelque chose? Non, non, oubliez pas, il y a juste le clip qui sort demain. Ah, bah voilà, voilà, pardon, Default. Mais il y aura des choses demain, tiens. T'inquiète, Giorgio, vas-y, vas-y. C'est ton Planète Rap, hein. Ouais. Jusqu'à vendredi, c'est toi, 20h-21h, maître des lieux. Avec Fred, demain soir, 20h-21h, le Planète Rap, 21h minuit, Radio Libre. D'ailleurs, si vous voulez être les premiers à passer dans l'émission, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil. Et on se retrouve en direct avec toute l'équipe qui arrive. Et avec, écoute bien, Fredo. Avec. Ah, Watch Me, Silent Home. Ah, quand même. Ah, oui, non, je savais pas que c'était un blind test. Ah, 3 secondes pour Watch Me de Silent Home. Ouais, grave. Je savais pas qu'il y avait le concours, le blind test. C'est lundi, Fredo. Oui, je sais pas, j'ai pas dit blind test pour toi, Fred. C'est le premier son de la soirée qu'on va retrouver tout de suite sur Skyrock avec vous en direct au 01 53 40 30 20. Faites péter les messages. Bonjour Cédric, bonjour Romano. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonjour la Marie. Bonjour Karim. Oui, Samy arrive, Momo aussi. Bah écoutez, tout le monde est là, vous aussi. Profitez-en si vous voulez être les premiers de la soirée. C'est maintenant. Fred, une bise, à demain. À demain. Giorgio, t-shirt tout demain, 20h. Ouais. Demain, là, de retour avec Giorgio. Ouais, et là c'est parti, 21h, Radio Libre, dans, allez, 2 minutes, même pas. C'est parti avec Silento, Fredo. À Giorgio, toutes. Silento, Fredo. C'est décidément, c'est la saison des hauts. Et Romano. Enfin bon, c'est parti pour Watch Me, là. Di Fulio. Di Fulio aussi. Ciao, à demain. Ciao. Ciao, ciao Fredo. Ils sont tous passés sur...